Chapitre 23. Mina Darville à Emma S000. Nous avons fini nos foins, et je dirais volontiers que je n'y ai pas nuit. Mais Angéline trouve que je m'en fais bien à croire, que je fais sonner bien haut mes coups de râteau. Je voudrais que vous eussiez vu Angéline dans son costume de faneuse. Sans comparaison, je n'étais pas mal non plus, et sans mentir, nous avons été bien reçus. Monsieur de Montbrun se déclara charmé. Il nous comparait aux glaneuses de la Bible, à toutes les belles travailleuses de l'Antiquité. Même, il m'a dit quelques vers latins, où je crois qu'il était question des divinités champêtres. Je suis bien satisfaite, Mina Darville mêlée avec les divinités. Il ne manquait plus que ça aux humiliations de l'Olympe. À propos, vous saurez que le maître de séance ne va pas à ses champs sans se ganter soigneusement. Au fond, je ne vois pas qu'il y ait de quoi lui jeter la pierre, mais tout de même, je lui ai dit, « Vraiment, vous m'étonnez. J'avais toujours cru que l'homme, cet être supérieur, ne s'occupait que de la beauté de son âme. Serait-ce par orgueil de race que vous prenez si grand soin de vos belles mains d'aristocrate ? Je lui soutiens qu'il finira par passer pour un désœuvré, pour un bourgeois. Ma chère amie, vous me croirez si vous le pouvez, cet homme-là gagne à être vu de près. Sa tranquillité sereine attire, fait rêver comme le calme des eaux profondes. C'est une nature vraiment forte, et je ne puis le regarder attentivement sans lui mettre sur les lèvres le magnifique « Je suis maître de moi » d'Auguste Asinda. Voilà ce qu'on gagne à lire les classiques. Et croyez-moi, ce serait une belle chose de troubler ce beau calme, de voir l'humiliation de ce superbe. Mais folie d'y songer, il ne voit que sa fille. Vraiment, je ne crois pas qu'il ait une pensée où elle entre pour quelque chose. Qu'il est donc aimable avec elle. Qu'a-t-elle fait, dites-moi, pour mériter d'être si parfaitement aimée ? L'autre soir, Maurice le pria de nous lire « La fille du Tintoret ». Ce qu'il fit, et vous savez comme l'expression d'un sentiment puissant nous grise. Nous autres, pauvres femmes, cet accent si vrai, si passionné, me poursuit partout. Morte, oh mon ami, comme il dit cela. Faut-il s'étonner si Angéline n'y put tenir ? Si l'instant d'après, elle pleurait dans ses bras, oublieuse de notre présence et de tout ? Ah, lui aussi peut dire que, dans sa fille, Dieu l'a couronnée. Et moi, je comprends que Dieu nous demande tout notre cœur, car je hais terriblement les fractions. Mina.